الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. عالمي الغيب والشهادة Le connaisseur du visible et de l'invisible. الرحمن الرحيم Le miséricordieux, le très miséricordieux. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Le roi sanctissime, la source du salut et de paix, le croyant, le prédominant, Subhanallah amma yushrikun, gloire et pureté à Dieu, bien au-dessus de ce qu'il associe. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyu salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Yaqulu lana, il nous dit, يا عبادي او مي سيرفيتور لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم si vos premiers vos derniers vos humains et vos génies كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا s'ils avaient tous le même cœur ou le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, ceci n'ajouterait rien à mon royaume. Ya ibadi, ô mes serviteurs, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم, si vos premiers, vos derniers, vos humains, vos génies, كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم, ما نقص ذلك من ملكي شيئا s'ils avaient tous le même cœur de l'homme le plus pervers le plus pécheur parmi vous ceci n'enlèverait rien à mon royaume ya rab ya habib al qulub hab li ridak warham al yawm mudhniban qad ataka ya ilahi wa munyati wa sururi قد أبى القلب أن يحب سواك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. رحمة للعالمين إمام للمؤمنين Il fut une clémence pour les univers et un imam pour les croyants قال صلى الله عليه وسلم il dit prière et salut sur lui لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد si le croyant sait ce qu'il y a auprès de Dieu comme punition personne n'espérera entrer au paradis ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد et si le mécréant sait combien il y a auprès de Dieu de miséricorde personne ne désespérera d'entrer au paradis رواه الامام مسلم rapporté par l'imam مسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد سيدي أمير الأنبياء maître émir des prophètes صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères, mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et salut sur lui dit لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش lorsque Dieu a créé la création il a écrit dans un livre qu'il a au-dessus de son trône, inna rahmati sabaqat ghadabi, ma clémence, ma miséricorde a devancé ma colère. Unanimement authentique, muttafaqun alayh. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للصحابة رحمة الله تعالى وتبارك. Une fois le prophète, prière et salut sur lui, a voulu montrer aux compagnons que Dieu les agrée la clémence de Dieu le Très-Haut. فتكلم لهم عن امرأة كانت أمامهم تبحث عن صبيها حتى وجدته. Et il leur a parlé d'une femme qui était devant eux en train de chercher son petit jusqu'à l'avoir trouvé. فَأَخَذَتْهُ وَأَرْضَعَتْ. Elle le prit et l'allaita. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ. Pensez-vous que cette femme jette son fils ou son enfant dans le feu? قالوا لا والله. Ils dirent par Dieu que non. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Dieu est plus clément à l'égard de ses serviteurs plus que celle-ci envers son fils. متفق عليه, unanimement authentique. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, تكلمنا في الجمعة الماضية عن الموت. Nous avons parlé lors du vendredi précédent de la mort. وقلت قاعدتين, et j'ai souligné deux règles. الأولى, la première, لا تنسى الموت طول حياتك. N'oublie pas la mort pendant toute ta vie. وإذا جاء الموت فلا تكرهه. Mais lorsque la mort arrive, ne la déteste pas. القاعدة الثانية, la deuxième règle, لا تنسى الموت طول حياتك. N'oublie pas la mort pendant toute ta vie. وإذا جاء الموت فلا تنسى رحمة الله. Mais lorsque la mort arrive, n'oublie pas la clémence, la miséricorde de Dieu. وبهذه المناسبة, et à cette occasion, سأتكلم اليوم عن صفة من صفات الله تعالى وتبارك وهي صفة الرحمة. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais aborder un attribut parmi les attributs de Dieu, le Très-Haut, et qui est la clémence ou bien la miséricorde. التي سمى نفسه بها مرتين. Cette miséricorde à partir de laquelle il s'est donné deux noms, الرحمن, le miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. بهذه الرحمة, grâce à cette miséricorde, خلقك, il t'a créé. وبها حفظك في ظلمات البطن, grâce à cette clémence, il t'a protégé lorsque tu étais dans les ténèbres du ventre. وبرحمته أوصل إليك الطعام والشراب وأنت في البطن. Et grâce à cette clémence, il t'a acheminé le manger et la nourriture lorsque tu étais dans le ventre. وبرحمته أخرج لك حليبا من عند أمك بعد الولادة. Et grâce à cette clémence, il t'a fait sortir du lait à partir de ta mère juste après la naissance. وبرحمته جعل حبك في قلب والديك وأنت صغيرا. Grâce à cette clémence, il a placé ton amour dans les deux cœurs de tes parents lorsque tu étais bébé. حتى خدمك وربياك في الليل والنهار. Jusqu'au point où ils se sont mis à ton service et ils t'ont élevé et veillé sur toi jour et nuit. وبرحمته لك, et grâce à cette clémence, هداك إلى الإسلام, il t'a guidé vers l'islam, بإرسال الرسل, par l'envoi des messagers, وساعدك على العبادة, et il t'a aidé pour l'adoration, من صلاة وصيام, en ce qui concerne la prière, le jeûne, وبرحمته لك شافاك عند كل مرض, Et grâce à sa clémence pour toi, il t'a guéri lors de chaque maladie. وَأَعَانَكَ عِنْدَ كُلِّ مُصْغِيبَ Grâce à cette clémence pour toi, il t'a aidé lors de chaque malheur qui t'a touché. وَأَجَابَكَ عِنْدَ كُلِّ سُؤَالِ Et il t'a répondu pour chaque question, pour chaque demande. وَبِهَا يَغْفِرُ لَكَ ذُنُوبَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Grâce à cette clémence, frères ou sœurs, aussi, il va te pardonner tes péchés le jour de la résurrection. بهذه الرحمة بهذه الرحمة سيرحمك إذا جاءك الموت. Grâce à cette clémence de Dieu, grâce à cette miséricorde, il sera miséricordieux et clément avec toi au moment où la mort va venir vers toi. Et grâce à cette clémence, à cette miséricorde, tu entreras à son paradis. Rahmatullah wasi'at kulla khalqi. La clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu a englobé toutes ses créatures. فهي ليست مختصة بالمسلمين فقط بل بالمؤمنين وغيرهم. Cette clémence n'est pas réservée uniquement aux musulmans, plutôt aux croyants et aux non-croyants. وَلِهَذَا تَرَى يَرْزُقْ غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَيْرَاتِهِ Raison pour laquelle tu le vois accorder ses subsistances même aux non-musulmans. رَغْمَ أَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ Malgré que ces non-musulmans ne l'adorent pas. وَيَصْبِرُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُعَدِّبُهُمْ Ils se montrent patients à leur égard grâce à cette clémence et ils ne les châtient pas. وَلَا يَقْتُلُهُمْ Ils ne les tuent pas رَغْمَ أَنَّهُمْ يَعْصُونَهُ Malgré qu'ils lui désobéissent. وَلِهَذَا قَالَ Raison pour laquelle il dit وَرَحْمَتِي Il dit dans un verset coranique وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ قال الله في آية من آيات القرآن الكريم ما ميزيريكورد à la contenance de toute chose ورحمتي وسعت كل شيء بمعنى في الدنيا ceci c'est dans le bas monde ma clémence à la contenance de toute chose ça veut dire dans le bas monde رحمتي وسعت كل شيء الجميع مؤمنين وغير مؤمنين ولكن في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et saint lui dit إن الله تعالى خلق بمعنى يوم خلق السماوات والأرض Dieu le très haut créa ça veut dire le jour de la création des cieux et de la terre مئة رحمة il créa sans miséricorde كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض chaque clémence parmi les 100 clémences chaque clémence a le volume qui existe entre la terre et le ciel. فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً Et il a placé parmi ces 100 clémences une seule sur la terre. فَبِهَذِهِ الرَّحْمَةِ تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا Et c'est grâce à cette clémence unitaire, si vous voulez, la mère a une pitié ou a pitié pour son fils. وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ Et grâce à cette clémence terrestre, tu vois les animaux, les oiseaux ont une pitié les uns envers les autres. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ Et lorsqu'il y aura le jour de la résurrection, Dieu va la compléter par ses clémences. بِمَعْنَ تَصِيرُ المئة في المئة ça veut dire la clémence de Dieu le jour de la résurrection deviendra 100%. Il va rajouter celle-ci plus les 99 autres. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. فإذا كانت رحمة واحدة في الدنيا وسعت كل شيء. Si une seule clémence dans le bas monde a englobé toute chose, فكيف بمئة رحمة غدا يوم القيامة. Que dire de 100 clémences le jour de la résurrection? La ilaha illallah, ar-Rahman, ar-Rahim, il n'y a aucune divinité à part Dieu, le clément et le miséricordieux. Isma'u mada yaqul an rahmati al-akhirah. Écoutez ce que Dieu dit à propos de la clémence, de la miséricorde qui se trouve dans l'au-delà. Yaqulu fi ayatin quraniya. Il dit dans un verset coranique: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs, qui avez trop surchargé votre âme, ne désespérez pas en la clémence de Dieu. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dieu absout les péchés dans leur totalité entière. Dieu absout toute forme de péché. Innahu huwa al-ghafur rahim. C'est lui par excellence, l'absoluteur et clément. Ma ajmalaha min aya. Combien est beau ce verset coranique. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Dis, ô mes serviteurs, qui avez trop surchargé votre âme, ça veut dire par les péchés, ne désespérez pas en la clémence de Dieu. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Dieu absout les péchés dans leur totalité entière. Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. C'est lui par excellence, l'absoluteur et le clément. Ya ibadi. Ma ashmala hadhihi al-kalima ya ibadi min Allah ta'ala wa tabarak. Ya ibadi alladhina asrafu. Ô mes serviteurs qui ont exagéré dans le péché. Alladhina tajawazu al-had fi ad-dunub wal-ma'asi. Qui ont dépassé toute limite dans le domaine des péchés. La taqnatu. La taqnatu. Ne désespérez pas. La tayasu min rahmatillah. Ne désespérez pas en la clémence de Dieu. Limada. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Parce que Dieu absout tous les péchés. لِأَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Parce que c'est lui l'absoluteur et le miséricordieux. إِذَا تُبْتُمْ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. بِشَرْطِ. إِذَا تُبْتُمْ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَأَسْلَمْتُمْ لَهُ. Il y a une seule condition: de vous repentir à lui pendant la vie ici-bas et de vous soumettre à lui, ça veut dire d'être musulman. Yaqul Allah fil ayat allati ba'daha. Dieu dit dans le verset qui suit: Wa anibu ila rabbikum. Revenez repentant à votre Seigneur. Wa aslimu lahu. Kunu muslimin lillah. Wa aslimu lahu. Et soumettez-vous loyalement à lui. Devenez ou soyez des musulmans. Fashart li maghfirat jami' ad-dhunub. La condition pour l'absolution de tout type de péché est le repentir, plus l'islam. Bimana rahmat al-akhirah khassa bil muslimin. Ça veut dire, on tire la conclusion suivante: la clémence, la miséricorde de l'au-delà est réservée uniquement aux musulmans. Wa aslimu lah. تأتيكم هذه الرحمة أغفر ذنوبكم رحمة واحدة في الدنيا لكل الناس. Une seule clémence dans ce bas monde pour tout le monde. ومئة رحمة في الآخرة للمسلمين فقط. Et sans clémence le jour de la résurrection uniquement pour les musulmans. ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. Qu'a-t-il dit notre maître Muhammad, prière et salut sur lui, à propos de ce verset? Laqad qala, il dit: ma uhibbu an li ad-dunya wa ma fiha bihadhihi al-aya. Je n'aime pas avoir le monde entier au lieu de ce verset coranique. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dis, ô mes serviteurs qui avez trop surchargé votre âme, ne désespérez pas en la clémence de Dieu. Faqala rajulun ya rasul Allah. Un homme dit, ô messager de Dieu: faman ashrak. Et celui qui a associé, qui était un associateur. Man kana mushrikan ya Rasulallah. Fasakata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma qala. Le prophète prière et salut sur lui se tue et après puis il dit: ala wa man ashrak, ala wa man ashrak, ala wa man ashrak fa huwa yadkhulu fi rahmatillah. Walakin man idha taba ada ila al-islam. Il a dit même celui qui a associé, il a dit ceci à trois reprises, ça veut dire s'il se repent à Dieu après son association et revient à l'islam. Ayuha al-ikhwat al-ahbab, mes frères et mes sœurs, uhibbu an uqaddim lakum ثلاث أمثلة من رحمة الله التي توجد في الآخرة. Je voudrais vous donner trois exemples de cette clémence divine qui se trouve dans l'au-delà. لأن هذه الرحمة هي مفتاح الجنة. Parce que cette clémence représente la clé du paradis. فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. Personne n'entrera au paradis qu'avec la clémence et la miséricorde de Dieu. Allahumma arhamna fi dunya wal akhirah. Ô notre Seigneur, sois clément à notre égard dans ce bas monde et dans l'au-delà. Al-mithal al-awwal, le premier exemple. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, prière et sage, lui dit: kharaja min indi khalili Jibril anifan. Mon bien-aimé, l'archange Gabriel, vient de me quitter. فقال يا محمد المدي او محمد والذي بعثك بالحق ان لله عبدا من عباده. Par celui qui t'a envoyé par la vérité absolue, il y a un serviteur parmi les serviteurs de Dieu. عبد الله 500 سنه على راس جبل في البحر. معنى في سجير في جزيره. Il y a un serviteur de Dieu qui a adoré Dieu pendant 500 ans, c'est-à-dire 5 siècles, au sommet d'une montagne qui se trouvait au milieu de la mer, ça veut dire sur une île. Wa akhraja lahu 'aynan 'adba. Il lui fit sortir une source d'eau douce, bi'arad al-usbu', ayant la largeur du doigt. Wa shajarat rumman tukhrij lahu fi kulli layla rumman. Et il lui a donné dans cette île un grenadier qui lui fit pousser chaque nuit une grenade. Yata'abbadu yawma, il adorait tout le jour. Fa idha amsa nazala min al-jabal. Et lorsqu'il y a le soir, il descendit de la montagne. Fa asaba min al-wudu', il fit ses ablutions. Wa akhadha tilka ar-rumman fa akalaha. Et il saisit le, où il prit la grenade pour la manger. Thumma qama li salatihi, et après il se leva pour ses prières nocturnes. Fasa'ala wa baqiya hakaba khamsat qurun. Il resta ainsi pendant 5 siècles. Fasa'ala rabbahu 'inda mawtihi an yaqbidahu sajidan. Il demanda à son Seigneur de le prendre le jour de la mort dans l'état de la prosternation. حتى يبعثه الله وهو ساجد. Ainsi il sera ressuscité dans l'état de la prosternation. قال جبريل, l'archange Gabriel dit: إنه يبعث يوم القيامة. Le jour de la résurrection, cet homme sera ressuscité, s'arrêta, on le fait arrêter devant Dieu subhanahu wa ta'ala. فيوقف بين يدي الله فيقول له الرب. Le Seigneur lui dit: أدخل عبدي الجنة برحمتي. Faites entrer mon serviteur au paradis grâce à ma miséricorde. Fayaqulu rabbal bi'amali. Il va dire, cet homme va oser dire à Dieu, ô mon Seigneur, plutôt grâce à mon œuvre, grâce à mon adoration, que je vais entrer au paradis. Fayaqul, Dieu dit, adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati. Faites entrer mon serviteur au paradis grâce à ma miséricorde. Fayaqul rabbal bi'amali. Il va dire, Seigneur, plutôt grâce à mon adoration, grâce à mes œuvres. فَيَقُولُ اللَّهُ قَيِّسُ عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ. Dieu va dire à ses anges, comparez entre ma grâce pour mon serviteur et ses œuvres, toute son adoration. فَتُوجَدْ نِعْمَةَ الْبَصَرِ. نِعْمَةَ الْبَصَرِ فَقَطْ. الله أعطاك عينين أنت ترى في الدنيا بهذا النور الذي أعطاك الله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة. Et on trouvera que uniquement la grâce de la vue a dépassé toute l'adoration de cinq siècles. Et il restera toutes les grâces, en plus que la vulve, toutes les grâces du, ou tous les bienfaits du corps humain, en plus. Dieu va leur dire, faites-le revenir devant moi. On l'arrêta devant les mains de Dieu. Il dira, Ya Abdi, من خلقك ولم تكن شيئا. Au serviteur, qui t'a créé lorsque tu étais un néant. فيقول أنت يا رب. Il dit toi mon Seigneur. فيقول من قواك للعبادة 500 سنة. Qui t'a donné la force, qui t'a aidé à adorer pendant 5 siècles. فيقول أنت يا رب. Il va dire toi mon Seigneur. فيقول من أنزلك في جبل وسط اللج. Qui t'a placé sur une montagne au milieu de la mer, au milieu des vagues. وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح. Et qui t'a fait sortir de l'eau douce à partir de l'eau salée. وأخرج لك كل ليلة رمانا وإنما تخرج مرة في السنة. Et qui t'a fait sortir chaque nuit une grenade tandis que celle-ci ne sort qu'une seule fois par année. وسألته أن يقبض روحك ساجدا ففعل. Et tu lui as demandé de prendre ton âme dans l'état de prosternation et il l'a fait. فيقول أنت يا رب. Il dit toi, ô mon Seigneur. قال فذلك برحمتي. Dieu va dire tout ce que j'ai fait pour toi, c'était par ma miséricorde. وبرحمتي أدخلك الجنة. Et grâce à ma miséricorde, je te fais entrer aujourd'hui au paradis. أدخلوا عبدي الجنة. Faites entrer mon serviteur au paradis. رواه الإمام الحاكم. Rapporté par l'imam الحاكم. المثال الثاني. Le deuxième exemple. كان رجلان في بني إسرائيل. Il y avait deux hommes parmi les enfants d'Israël. فكان أحدهما به زهون. L'un était pêcheur. والآخر عابد. Et l'autre était un adorateur. فكان لا يزال يقول له. Et le deuxième disait toujours au premier. ألا تكف. Ne veux-tu pas arrêter tes péchés. فيقول ما لك ولي. Et le premier, le pêcheur, répondit. Pourquoi te mêles-tu de mes affaires. دعني وربي. Laisse-moi pour mon Seigneur. قال فهجم عليه يوما. Une fois, un jour, il le visita. فإذا هو على كبيرة. وجد الأول يقوم بكبيرة. ذنب كبير. Il le trouva en train de faire un énorme péché. فقال والله لا يغفر الله لك. Il a dit par Dieu, Dieu n'absoudra pas ton péché. والله لا يدخلك الله الجنة. Par Dieu, Dieu ne te fera pas entrer au paradis. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما. Dieu leur envoya un ange qui prit leur âme. فلما قدم بهما على الله عز وجل, lorsqu'il les présenta devant Dieu le Très-Haut, قال للمذنب, Dieu dit au pécheur, ادخل الجنة برحمتي. Entre au paradis grâce à ma miséricorde. وقال للعابد, il dit à l'adorateur, حضرت على عبدي رحمتي. Tu as voulu priver mon serviteur de ma clémence. أو كنت قادرا على ما تحت يدي. Étais-tu possesseur de ce qui se trouvait en dessous de ma main. انطلقوا به إلى النار. Prenez-le vers le feu ou vers l'enfer. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager de Dieu, prière et salut sur lui, dit والذي نفسي بيده. Par celui qui tient mon âme en sa main. لقد تكلم بكلمة. Il a prononcé un mot. أوبقت دنياه وآخرته. Qui a causé sa perte dans cette vie ici-bas et dans sa vie ultime. أيها الإخوة. Mes frères et mes sœurs, ربما كان هذا الرجل العاصي يتوب بعد كل معصية. Peut-être cet homme pécheur accomplissait un repentir après chaque péché. ويطلب المغفرة لله. Et peut-être il demandait l'absolution de Dieu. كذلك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Exactement comme celui-ci pour lequel le prophète dit أذنب رجل. Un homme a commis un péché. فقال يا رب. Et après le péché, il a dit, ô mon Seigneur, pardonne-moi mon péché. فقال الله, et Dieu va répondre, علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. mon serviteur a connu qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché, s'il le veut. Par la suite, l'homme a commis le péché. Et après il a dit, ô mon Seigneur, pardonne-moi. فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. Et Dieu dit, mon serviteur a connu qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché, mais qui punit aussi pour le péché. ثم أذنب الرجل بعد ذلك. Par la suite l'homme commit un autre péché. فقال يا رب اغفر لي. Il a dit, ô mon Seigneur, pardonne-moi. فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. Mon serviteur a connu qu'il a un Seigneur qui pardonne pour le péché, qui punit pour lui. وإني قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. Et j'ai pardonné à mon serviteur, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. متفق عليه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم unanimement authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. فلا كبيرة مع الاستغفار. Il n'y a aucun péché énorme lorsqu'il y a la demande d'absolution par la suite. المثال الثالث والأخير, le troisième et dernier exemple, رجل يأتي به الله غدا يوم القيامة. Un homme qui sera convoqué par Dieu le jour de la résurrection devant tout le monde, amam jami' al-khalaiq, lahu 99 sijillan kulluha mad al-basar. Chaque homme a 99 dossiers qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Chacun s'étendait jusqu'à l'horizon. Ma fiha hasana. Et dans lesquels il n'y a aucune bonne action. Et Dieu va le faire entrer au paradis بكلمة واحدة, grâce à un seul mot qu'il a dit dans sa vie, La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. قال له الله هذه الكلمة أثقل من كل ذنوبك وأثقل من الجبال. Dieu va lui dire que ce mot La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu, est plus lourd que tes 99 dossiers, est plus lourd que toutes les montagnes. Aywa al-ikhwa al-kiram, mes frères et mes sœurs, alladhi yanqusuna huwa an-nafiqa bi rahmat Allah allati wasi'at kull shay. Ce qui ne manque, c'est d'avoir confiance en la clémence de Dieu qui a englobé toute chose, wa nahnu min dhalika shay, et nous on fait partie de ces choses qui sont englobées par la miséricorde de Dieu. Bima'na annana na'ishu fi rahmatillah walhamdulillah wa hani'an lana. Ça veut dire on vit noyé dans la clémence de Dieu. Et alhamdulillah wa na'lam anna kull ma asabana min khayr aw sharr فهو رحمة من الله بنا. On doit tous savoir que toute chose qui nous touche, comme bien ou comme mal, n'est qu'une clémence de la part de Dieu pour nous. والنرضى بقضاء الله وعطائه. On doit agréer la destination de Dieu ou ce que Dieu a décrété pour nous. Et on doit agréer ses dons. والنحمد الله على رحمته. On doit remercier Dieu pour cette miséricorde. فهناك من لا يصلح حاله إلا المرض. Il y a celui qui ne peut être correct qu'avec la maladie. ولو كان صحيحا لكفر. Et s'il n'est pas malade, il commettra les péchés. فرحمه الله بالمرض. Et Dieu était clément avec lui grâce à la maladie qu'il lui a donnée. وهناك من لا يصلح حاله إلا الفقر. Il y a celui qui ne peut être correct qu'avec la pauvreté. ولو أعطاه الله الغنى لكفر. Et si Dieu lui donne la richesse, il commettra les péchés. وهناك من لا يصلح حاله إلا الصحة. Et il y a celui qui ne peut être correct qu'en jouissant d'une bonne santé. وَلَوْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْمَرَضَ لَكَفَرَ. Et si Dieu lui donne la maladie, il commettra les péchés. وَهُنَاكَ مَنْ لَا يُصْلِحُ حَالَهُ إِلَّا الْغِنَى. Il y a celui qui ne peut être riche, qui ne peut être correct qu'avec la richesse. وَلَوْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْفَقْرَ لَكَفَرَ. Et si Dieu lui donne la pauvreté, il commettra les péchés. وَهُنَاكَ مَنْ يُرِيدُ شَيْئًا وَلَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِأَنَّ فِيهِ شَرًّا لَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. Il y a celui qui aime, qui souhaite avoir une chose, mais Dieu ne la lui donne pas parce qu'il y a un grand mal dans cette chose, et le pauvre homme ou femme ne sait pas ça, ne le sait pas. وَرُبَّمَا يَحْزَنْ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطَ مَا يُرِينَ. Et peut-être il devient triste parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. وَكُلْ هَذَا لِأَنَّ الثِّقَ بِاللَّهِ ضَعِيفَ وَالْإِيمَانَ ضَعِيفَ. Tout ceci parce que la confiance en Dieu est faible et la foi en Dieu est faible. أخي, أختي, frère, sœur, اعلم بأن الله أرحم بك من نفسك. Sache que la clémence divine pour toi dépasse largement ta propre clémence pour toi-même. وَأَرْحَمُ بِكَ مِنْ أُمِّكَ وَأَبِيكَ وَمِنْ كُلِّ النَّاسِ. Et sache, frère ou sœur, que Dieu, la clémence divine de Dieu pour toi dépasse largement la clémence de ta maman, de ton père ou de tous les gens pour toi. فَسَلِّمِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ. Remettons à lui. وَارْضَ بِعَطَائِهِ. Agrée, accepte ses dons. وَاسْتَحِي مِنْهُ. Sois pudique à son égard. فَلَا تَعْصِهِ وَهُوَ يَنْظُرْ إِلَيْكَ. Ne lui désobéis pas devant lui lorsqu'il te voit. فَكَيْفَ يَرْحَمُكَ كُلَّ هَذِهِ الرَّحْمَةِ. Comment peut-il être aussi clément pour toi? وَأَنْتَ تَعْصِهِ كُلَّ هَذِهِ الْمَعَاصِي. Et en même temps, toi devant lui, tu commets tous les types de péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من لسنته وآثاره اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, أخي, أختي, frère, sœur, أتريد أن يرحمك الله. Veux-tu que Dieu soit clément ou miséricordieux envers toi? فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ مَعَ عِبَادِ اللَّهِ. Regarde comment es-tu avec les gens, avec les créatures, avec les serviteurs de Dieu. هَلْ تَرْحَمُ النَّاسِ. Es-tu clément, miséricordieux avec les gens? هَلْ تَرْحَمُ وَالِدَيْكَ. Es-tu clément avec tes parents? هَلْ تَرْحَمُ زَوْجَتَكَ. Es-tu clément avec ta femme? هَلْ تَرْحَمِينَ زَوْجَكَ. Es-tu clémente avec ton mari? هَلْ تَرْحَمُ أَوْلَادَكَ. Es-tu clément avec tes enfants? قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il dit, prière et salut sur lui, مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسِ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهِ. Celui qui n'est pas miséricordieux avec les gens, Dieu ne le sera pas avec lui. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Wa aghtanimu hadhihi al-fursa. Je profite de cette occasion pour dire, li aqul, akhi, ukhti, frère, sœur, ahwaju an-nas li rahmatik hum awladuk. Les gens qui ont le plus de besoin à ta miséricorde sont tes enfants, atfalan wa banat, garçons ou filles. وخصوصا في سن المراهقة. Et surtout à l'âge de l'adolescence. ربما يقومون بما لا تريد. Peut-être à cet âge, ils vont commettre ce que tu veux pas. دخان, cigarette. مخدرات, drogue. زنا, adultère. إلى آخره, etc. فلا تنسى الرحمة عند ذلك. N'oublie pas la clémence. N'oublie pas la miséricorde en ce moment. Turid an irhamak Allah? Veux-tu que Dieu soit clément avec toi? Farhamhum fi waqti da'fihim. Sois miséricordieux avec eux au moment de leur faiblesse. Yani wasil murahaqa min ayna ata? Ata min nafsi? La. Allah huwa alladhi khalaqahu. Liyabtaliyak wa yabtaliyahum. L'adolescence est venue d'elle-même. Non, l'adolescence a été créée par Dieu pour mettre les enfants à l'épreuve et pour mettre les parents aussi à l'épreuve. Irhamhum fi waqti al-khata. Sois miséricordieux à leur égard pendant l'erreur. Rabbama dayata tarbiyatahum. Peut-être tu as raté leur éducation, tu as négligé leur éducation. Faman la yazra la yahsad. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. وَمَنْ لَا يُعْطِي لَا يَأْخُدْ. Celui qui ne donne pas ne recevra pas. وَإِنَّكَ مَسْعُولٌ أَمَامَ اللَّهِ عَنْ تَرْبِيَتِهِمْ. Tu es responsable devant Dieu à propos de leur éducation. فَلَا تَضْرِبْ. Ne frappe pas وَلَدَكْ. لَا تَضْرِبْ ton, ne frappe pas ton enfant. لَا تَضْرِبْ وَلَدَكْ. وَلَا تَضْرِبْ بِنْتَكْ. Ne frappe pas ta fille. وَلَا تَسُبَّهُمَا وَلَا تَطْرُدْهُمَا. Ne les insulte pas, ne les chasse pas. La taqul lahum, ne leur dis pas. Lestum awladi wa lestu abakum. Vous n'êtes pas mes enfants, je suis pas votre père. La tuslih al khata bil khata. Ne corrige pas l'erreur par l'erreur. Idha akhta'ta fil madi, fala tukhti fil hadir. Si tu as commis l'erreur dans le passé par manque d'éducation, n'ajoute pas une autre erreur dans le présent. حاول بالتي هي أحسن أن تصلح الخطأ. Essaie de la bonne manière de corriger l'erreur. بالإحسان إلى بنتك أو ولدك. Par la bienfaisance, mon frère ou ma sœur, à ta fille ou à ton garçon. ورب العلاقة معهما. Corrige l'erreur par le fait de nouer une bonne relation avec eux. Bil hiwar ad-da'im, par le dialogue permanent. Bil hanan al-kabir, par la grande affection. Wa an-nasih as-sadiq, et le conseil sincère. Istamil al-hub, utilise l'amour. Wa laysa al-quwwa, et non pas la force. La tansa rahmat Allah allati wasi'at kull shay. N'oublie pas la clémence de Dieu qui a englobé toute chose, et tes enfants font partie de cette chose. La tansa bi anna Allah yaghfiru ad-dunuba jami'a. N'oublie pas que Dieu absout, pardonne tous les types de péchés. Idha kanat at-tawba wal-islam, bien sûr, s'il y a le repentir et l'islam. Kadhalika ar-rajul alladhi qatala 100 nafs, comme l'homme qui a tué 100 personnes. Thumma taba wa safara ila baladin salih. Par la suite, il s'est repenti et voyagea vers un pays vertueux. Famata fi at-tariq, il décéda en plein route. Fahtasamat fihi malaikatu ar-rahma li'annahu ta'ib wa malaikatu al-'adhab li'annahu qatala 100 ruh. Il y a eu un désaccord entre les anges de la clémence parce qu'il est repentant et les anges du châtiment parce qu'il est un tueur en série qui a tué 100 personnes. فَلَمَّا حَاوَلُوا مَعْرِفَةَ هَلْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِ الشَّرِّ أَمْ إِلَى أَرْضِ الْخَيْرِ. Lorsque les anges voulurent connaître est-ce qu'il est proche de la terre du bien ou bien la terre du mal, أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ. Dieu a révélé à la terre, أَنْ تَبَاعَدِي مِنْ هُنَا وَتَقَارَبِي مِنْ هُنَا. Allonge-toi de ce côté-là et rétrécis toi de ce côté-là. فَوَجَدُوهُ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِ الْخَيْرِ بِشِبْرِ. Ils le trouvèrent plus proche de la terre du bien par une vingtaine de centimètres. فَأَخَذَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ. Et ce sont les anges de la clémence, de la miséricorde qui l'ont pris directement vers le paradis. أخي أختي, frère, sœur, أَرَأَيْتَ كَيْفَ. والحديث صحيح, ce hadith est authentique. أرأيت كيف غفر الله لقاتل. As-tu vu comment Dieu a pardonné à un tueur. وأنت لا تسمح لأخطاء أقل من القتل. Et toi tu ne pardonnes pas pour des erreurs, des fautes qui sont plus petites que le fait de tuer, amama akhta il awlad, devant les erreurs des enfants, la tansa rahma. N'oublie pas la clémence. Fallahu yarham wa yaghfir, Dieu est clément, miséricordieux, absoluteur, wa anta la turid an tarham wa la an taghfir, et toi tu ne veux être ni miséricordieux, ni absoluteur, bima'na ghadabuka laysa lillah, ça veut dire ta colère à l'égard de tes enfants n'est pas pur à 100% pour Dieu. Ta colère est uniquement pour toi-même, pour ton ego. Parce que tes enfants, à cause de leur erreur, ils ont sali ta propre image devant les gens. Je te dis, la tufakir finnas, ne pense pas aux gens, ne pense pas à ce que les gens vont dire de toi. La tufakir finnas, c'est aqulu nas ank. Fakir ya akhi fi awladik. Pense mon frère à tes enfants, quwwatuk wa unfuk wa adam rahmatuk. Ta force, ta violence, le manque de ta clémence, rubbama yatasabbab fi qat' al-alaqa ma'a bintik wa waladik. Tout ceci peut couper à jamais la relation entre toi et ta fille, entre toi et ton fils. Rubbama yamutu al-walad kafiran bisabab jahlik. Peut-être l'enfant va mourir en tant que mécréant à cause de ton ignorance. Fal-ma'siyah ma'a al-islam khayrun min al-kufr. Le péché avec l'islam est meilleur que la mécréance. Wa aqulu lil ikhwa wal akhawat, je dis à mes frères et mes sœurs, idha ra'aytum 'a'ilatan 'indaha hadhihi al musiba, si vous voyez une famille qui est touchée par ce malheur, farhamuhum yarhamukum Allah, soyez clément à leur égard, soyez miséricordieux à leur égard, et Dieu le sera avec vous. A'inuhum yu'inukum Allah, aidez-les et Dieu vous aidera. Iyakum min at-tashaffi fa inna al-aqiba la ya'lamuha illa Allah, méfiez-vous de la jouissance de ce qui leur arrive, parce que votre propre fin n'est connue que par Dieu. Akhi, ukhti, frère, sœur, mahma takun al-ma'siya kabira min taraf awladikum, quoique le péché est énorme et grand de la part de votre enfant ou de vos enfants, fa inna laha dawa, il y a pour ceci un remède, huwa at-tawba wal istighfar, qui est le repentir et la demande d'absolution. Rubbama takunu akhta, peut-être il y aura des erreurs, walakin bi musa'adatikum wa bi iradat Allah, mais grâce à votre aide et grâce à la volonté de Dieu, rubbama yatubu wa kam min rajulin tab wa kam min imra'atin tabat, rubbama yatubu wa yakunu ba'da dhalika min as-salihin, grâce à tout ceci peut-être se repentiront par la suite et deviendront des vertueux. Marra ba'da salat al-isha, une fois après la prière de al-isha, ada Malik ibn Dinar ila baytihi, Malik fils de Dinar est revenu chez lui, fawajada sakranan 'ala al-ard, il a repéré, il a vu un homme ivre sur le sol, yakhruju al-khamru min famihi, et le vin sortait de sa bouche, wa huwa yadhkur Allah, il était en train d'évoquer Dieu, Allah, Allah, Allah, hal sabba, l'a-t-il insulté, hal na'ala, l'a-t-il maudit, hal daraba, l'a-t-il frappé, la, non, akhada Malik min dinan wa tahhara famahu min al-khamr, Malik prit un mouchoir et purifia, essuya sa bouche du vin, hatta la takhtalita kalimat Allah ma'al khamr, pour que le mot Allah ne soit pas mélangé avec le vin qui sortait de la bouche. Wa finnaw sami'a qa'ilan yaqulu lahu, et dans le sommeil il a entendu quelqu'un lui dire, ya Malik, ô Malik, taharta famahu min ajlina, tu as purifié sa bouche pour nous, fatahharna qalbahu min ajlik, et nous avons purifié son cœur pour toi. Ya Malik, taharta famahu min ajlina, fatahharna qalbahu min ajlik, Allahu yaqulu li shay'in kun fayakun, falimada nahmilu al-hamm, والله ربنا إذا ضاقت عليك الأمور فتوجه إلى الله، توجه إلى القدير. فلما جاء الإمام لصلاة الفجر، lorsque l'imam est venu pour la prière de الفجر، وجد رجلا في المسجد يبكي. Il a rencontré dans la mosquée avant que personne n'ait venu. Il a rencontré un homme dans la mosquée en train de pleurer.